Sixièmement, autre raison de l'extension de la domination romaine. Au reste, les injustices des Romains étaient d'autant plus dangereuses qu'ils savaient mieux les couvrir du prétexte spécieux de l'équité et qu'ils mettaient sous le joug, insensiblement, les rois et les nations, sous couleur de les protéger et de les défendre. Ajoutons encore qu'ils étaient cruels à ceux qui leur résistaient, autre qualité assez naturelle aux conquérants, qui savent que l'épouvante fait plus de la moitié des conquêtes. Faut-il dominer à ce prix? Et le commandement est-il si doux que les hommes le veuillent acheter par des actions inhumaines? Les Romains, pour répandre partout la terreur, affectaient de laisser dans les villes prises des spectacles terribles de cruauté et de paraître impitoyables à qui attendait la force, sans même épargner les rois qu'ils faisaient mourir inhumainement après les avoir menés en triomphe, chargés de fer et traînés à des chariots comme des esclaves. Mais s'ils étaient cruels et injustes pour conquérir, ils gouvernaient avec équité les nations subjuguées. Ils tâchaient de faire goûter leur gouvernement au peuple soumis et croyaient que c'était le meilleur moyen de s'assurer leur conquête. Le Sénat tenait en bride les gouverneurs et faisait justice au peuple soumis. Cette compagnie était regardée comme l'asile des oppressés. Aussi, les concussions et les violences ne furent-elles connues parmi les Romains que dans les derniers temps de la République. Et jusqu'à ce temps, la retenue de leurs magistrats était l'admiration de toute la terre.